Les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un ont été rapportées dans divers pays. L'agence de presse russe TASS, l'agence de presse Chine Nouvelle, l'UPI des États-Unis, les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée, les homepages d'Internet du Comité national nigérien d'études du kim-sunisme, kim-jong-ilisme, du Comité national d'études des aides du Tutsi du Congo démocratique et le homepage d'Internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections ont présenté son inspection de divers domaines de l'arrondissement de Samdion. Le homepage d'Internet nigérien a rapporté aussi sa visite à l'ambassade cubaine en Corée pour formuler ses condoléances à l'occasion du décès de Fidel Castro Ruz.